Ah, l'amour. Il ne m'était jamais arrivé de rencontrer un homme et de ne penser qu'à lui. Jean-Marc Onafrigo Malolo. Un Piot Anderson. Florent. Petite tendresse, maman Amika. Goldswill, dans la pointe noire. Chris de Mazetti. Ma promenade, ma fille pa pa pa ma, le tanguant va se abaroulage, la cosa ga yo barate la pa pa pa. Et l'ange journaliste de TV. Dans la bangura va cosinga mona ngambo, un bambolu ka po ba bebisa, ba susu ba elisa ba tito nori. Na matendo Bati di misakila Abel Maïra papa na Theodora Jamate Dibé Massa comme quoi est toujours en présence. Bayoka. Bazoka mbango, bayoka mpere le peba tika bimpaka. Wana mboka mi palite. Ozoka. Akana kosuka wapi ngana sangi polingo. Aja make di me papa si bona kele kie. Yeah. Oui, c'est là-bas dans le quartier royal. Bas à la TikTok, on peut filmer des alifs en abandon. Hein? Bana chombicho na olombo. Bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana Mama yo londe bolo ke bana mami ho oya sese asanga wapi bebe Elohim oya mala o bebe kitoko oya bibi bibi ayo se bolo mama se bolo jonasi boke ayo se bolo mama se bolo aki baba le se jini boke Pamela, gros bébé à papa et tout là. Chuta na metro cano.